C'est juste la pro. Sans état d'âme. Adrénaline. 2008-2009. 59. C'est juste une intro, mais l'album c'est du lourd. Faut écouter la fin. C'est midi. Mon bras, c'est MC, je te dis pas bonjour car tu me connais par cœur. T'as déjà vu mon nom? Tagué au marqueur, jamais sous l'effet de la tease, toujours sur la défensive. Ça demande du 5-9, une phrase moche mais pensive. Hey, mon son fait pas bouger les culs, il fait charger les guns, poteau à bouler les écuilles. C'est système, manchette, baisse les yeux. Elle en vieux reste soft si tu veux mourir vieux. Mon pote, tu parles ici à caisse, j'ai renfloué les caisses. Messieurs les artistes, ouvrez grand vos fesses, tout ce que je veux c'est qu'on crie mon nom. Stop en tant que bagarre à longue échelle, sans kimono. Je vois dans les yeux, ça fait mal au cul d'avouer que des blancs du nord peuvent rapper et renflouer. Tu sais ce qu'il te reste à faire, on va businesser l'affaire. On finira en enfer, mais ni d'une part en fer. Crie mon nom. C'est midi, impact. Crie mon nom. Les bras en l'air, la tête qui bouge. Tout le monde hurle, personne se couche. Car tu cries mon nom. Yeah, Simiti. Crie mon nom. APAKT. SIMIDI, poto, ça vient du pays. APAKT, les Bastos et le Trei. C'est ADR. APAKT, Simiti. C'est juste ça, gros. Pour cent d'état d'âme. Dans des tas d'âme. Crie mon nom. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop.